En Corée, des usines sous l'égide du ministère de l'Industrie légère s'efforcent pour le développement de nouveaux produits. Selon les données statistiques, rien que cette année, plus de 900 espèces de produits principales et variantes ont été mises au point au niveau ministériel. Surtout, l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, la fabrique de tricot de Sungyo, l'usine de chaussettes de Pyongyang, les fabriques de chaussures de Pyongyang et Duwon et l'usine de souliers de Wonsan s'efforcent pour la nationalisation des matières premières et des matériaux d'une part et d'autre part donnent de l'éperon au développement de nouveaux produits.